les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Ava Gardner, Vénus des champs de tabac, qui fait peur à force d'être belle, a joliment écrit d'elle Frédéric Martinez. Dans l'histoire d'Hollywood, peu de comédiennes auront subjugué leur public masculin comme l'aura fait Ava Gardner, que ce soit dans Les Tueurs, dans Pandora ou Showboat, dans Mogambo et surtout dans La Comtesse aux pieds nus, où la fiction rejoignait le roman vrai de sa propre existence. Sa légendaire beauté, qu'a chanté Alain Souchon, ne peut suffire à elle seule à comprendre pourquoi elle eut à l'écran un tel pouvoir de fascination. Comment expliquer qu'une jeune fille, dernière née un soir de Noël d'une famille pauvre du sud des États-Unis, une jeune fille qui n'avait jamais rêvé d'être actrice et encore moins une vedette, devienne l'une des stars les plus mythiques de l'histoire du cinéma? En 1985, dans Les Mardis du cinéma, Michel Cazenave et les critiques Jacques Siclier et Gilles Bergaise, qui furent tous trois de l'actrice des spectateurs fascinés, tentaient de répondre à cette question en croisant les images des plus beaux films d'Ava Gardner avec celles d'une vie privée qui fut loin d'être des plus heureuses. Mardi du cinéma, Ava Gardner ou le mythe de l'amour fou, une émission de Michel Cazenave, diffusée la première fois le 29 octobre 1985 sur France Culture. Réalisation Christine Berlamont. Les mardis du cinéma. Ava Gardner ou le mythe de l'amour fou par Michel Cazenave. Avec Gilles Bergaise et Jacques Siclier, critique de cinéma. Londres, un été aussi incertain que le nôtre, un square, une porte laquée dans l'échancrure de laquelle se cadre Ava Gardner, le plaisir de reconnaître la chevelure drue et soyeuse sans apprêt, l'œil d'émeraude et de cendre, les pommettes fermes, la bouche généreuse, le haut cou ployé en avant, l'ample échappée des épaules, et la voix qui hésite, interroge, caresse, voix de scrupule et de sensualité, voix de descente dans l'abîme. Oh, how am I to know? Will it linger on? Love has come to Elle a une voix fabuleuse, elle a une voix de confidence, elle a une voix qui évoque l'intimité, la gravité d'un murmure grave qui vient du ventre. On a l'impression que ces choses-là, elle ne les dit qu'à vous, elle les dit pour la première et dernière fois. C'est très extraordinaire. C'est en 1963, alors que j'avais 21 ans, qu'il m'a été donné pour la première fois de voir Ava Gardner dans un film. Il s'agissait de La Comtesse aux pieds nus, et comme on le faisait à l'époque, comme c'était quasiment normal pour un cinéphile, eh bien j'ai été tellement subjugué que pratiquement je suis allé voir ce film deux fois par jour, pendant toute une semaine, pendant la semaine qu'il a été projeté au Quartier Latin. C'est dire par là la force de fascination qui était celle d'Ava Gardner immédiatement pour quelqu'un qui la découvrait. Bien entendu, j'aurais pu penser que c'était là une réaction tout à fait personnelle, mais en parlant avec d'autres cinéphiles de ma propre génération et puis avec ceux de la génération précédente qui avaient connu Ava Gardner au moment même où sortaient les films, je me suis rendu compte que c'était un phénomène extraordinairement répandu, tellement répandu d'ailleurs que lorsque certains de ces films sont ressortis sur les écrans, ne voici pas très longtemps, eh bien à nouveau de jeunes hommes de 20 ans, 21 ans, cédaient eux aussi, à leur tour, presque 30 ans après, à cette fascination. Et c'est sans doute pourquoi il est tellement intéressant de s'interroger sur ce phénomène. Parce que ce qui se joue là, au-delà du personnage même d'Ava Gardner, c'est bien entendu aussi le problème fondamental du cinéma, à savoir, quelle est la magie des images, quel est ce statut singulier de cet art qui fait que nous nous trouvons comme impliqués en lui et qu'il provoque de telles réactions, des réactions à la fois sentimentales et émotionnelles. Alors bien entendu, Ava Gardner est un personnage un peu particulier qui, à beaucoup d'égards, ne ressemble à aucune autre des grandes stars d'Hollywood. Mais peut-être est-ce aussi à travers cette particularité ou cette singularité que l'on peut le mieux saisir le phénomène et comprendre pourquoi un film qui, finalement, est d'abord quelque chose de technique, dépasse son propre objet et arrive à toucher des zones de mystère, des zones d'ombre dans l'âme de chacun d'entre nous, qui fait que lâchons le mot, nous sommes capables, d'une façon à définir sans aucun doute, dans l'idéal bien entendu, mais nous sommes capables de devenir amoureux d'une image qui vit devant nous sur l'écran. Lorsque je suis devenue grande, toujours sous les bombes, la boue ne suffisait plus à me tranquilliser. J'avais besoin de quelqu'un pour m'aimer et me rassurer. Ce besoin, je l'éprouve toujours lorsque j'ai peur. Comme un bébé a besoin de lumière. Je cherche l'amour lorsque j'ai peur. But the bombs are gone. What are you afraid of? Je redoute ce que chacun redoute. Vous, le premier, d'être un jour sans abri. Comme Edouard ruiné. Vous sans alcool et sans Jerry, amoureuse de vous. Comme moi, chaussée qui m'exhibe et que l'on détaille. Jacques Siclier, pour arriver à comprendre ce personnage d'Ava Gardner et ce qu'il comporte de particulier en lui-même, on peut se demander s'il ne serait pas bon de faire la comparaison avec Greta Garbo. Dans la mesure où Greta Garbo a représenté comme le rêve idéal de la féminité pour toute une génération, et on se rappelle particulièrement ce qu'en disaient les surréalistes, Et puis, après la Seconde Guerre mondiale, après la crise de misogynie du cinéma américain, est-ce que, en fin de compte, Ava Gardner ne serait pas la nouvelle Garbeau, mais une Garbeau qui devient inaccessible, à laquelle on ne peut plus toucher, qui devient comme une sorte de rêve évanescent de ce que serait la passion des hommes? Oui, seulement, il y a une grande différence, à mon avis. Garbeau, on va pas refaire son histoire. Bon, on sait qu'elle a quitté le cinéma en 1941 après La femme aux deux visages de Cukor. Bon, elle avait pas tout à fait 40 ans, puis elle n'est jamais revenue. Garbeau, c'est resté une légende dans la vie, on sait pas après ce qu'elle a fait. Bon, Garbeau, elle était au muet et au parlant. De toute façon, c'était l'image inaccessible, mais à ce moment-là, c'était normal dans les années 30. Marlène, ça a été la même chose. Mais Marlène Dietrich a continué d'assumer son destin de star à la fois au cinéma et dans la vie, bien que elle était extraordinaire dans les films de Sternberg par la suite. Mais quand arrive Ava Gardner, il y a effectivement une évolution destructrice à laquelle Marlène Dietrich a échappé, mais Marlène Dietrich, elle est déjà d'une autre génération et de toute façon elle domine tout ça. On ne touche pas à Marlène, on ne touche pas non plus à Garbeau qui est retiré du cinéma. Par contre, toutes les vedettes, l'exemple le plus frappant est Rita Hayworth, dont la carrière a été faite au départ sur la beauté, la sophistication, etc., et qui a tant à cause des rôles qu'on lui a donné, de ses rapports avec Orson Welles et de sa vie privée un peu fantasque, a fini par finalement tomber de son pied piédestal. Je crois qu'à ce moment-là, on en avait tous un peu marre de voir le cinéma américain sombrer dans la misogynie, parce que finalement, quand on trouvait des belles filles, ce que je vous ai dit pour Ava Gardner, je l'ai jamais prouvé pour une actrice par ailleurs que j'aimais beaucoup, que j'admirais beaucoup et dont la fin était lamentable. C'est Marilyn Monroe. Moi, Marilyn Monroe, personnellement, ça m'intéressait en tant que cinéphile de voir comment elle essayait de se faufiler, d'être autre chose que la blonde sexy, un peu gourde, etc. Les efforts touchants que faisait Marilyn pour être une comédienne, mais ça ne m'a jamais provoqué chez moi d'admiration forcenée et, à la fois sentimentale et sexuelle, qu'on peut bien le dire, comme pour Ava Gardner. Et je crois que ce qui était intéressant, mais est-ce que le public, d'une façon générale, a ressenti tout ça? Je n'en jurerais pas. C'était quand même le clan des cinéphiles, mais ils étaient nombreux. C'était qu'on sentait chez Ava Gardner et la comtesse aux pieds nus, là on s'est dit ça y est maintenant, en fait on s'était trompé parce que par la suite ça a beaucoup changé, ça y est, elle les a eu, elle a eu Hollywood, elle a eu tout le monde, grâce à Pandora et Albert Levin, grâce à la comtesse aux pieds nus et grâce à Mankiewicz, et maintenant c'est une femme qui va pouvoir se permettre d'être elle-même, de prendre les rôles qui lui conviennent. Pas du tout, on dirait qu'Hollywood s'est vengé après. « 1942, We Were Dancing » de Léonard, « Le souvenir de vos lèvres » de Reisner. « 1943, Hitler's Madman » de Douglas Sing, « La Dubarry était une dame » de Del Ruth. « 1944, Swing Fever » de Whelan, « Trois hommes en blanc » de Goldbeck, « La fièvre blonde » de Worf, « Deux jeunes filles et un marin » de Richard Thorpe, « Tragique rendez-vous » de Moggy. « 1946, The Killer » Les tueurs de Sudmac. Je crois qu'on ne peut rien comprendre à Ava Gardner si on ne sait pas que pendant très longtemps, jusqu'à il y a peut-être 10 ans, tout ce qui lui est arrivé presque malgré elle. Elle est devenue actrice malgré elle. Elle est devenue star donc malgré elle. Elle est devenue mythe malgré elle. Elle a raté sa vie d'abord malgré elle et ensuite délibérément. Il y a une grande part d'autodestruction parce qu'elle n'a jamais pu être elle-même. Et que pouvait faire la cadette de 7 enfants dans la famille d'un planteur de tabac très pauvre de la Caroline du Sud? À l'âge de 18 ans, on m'a envoyé rejoindre à New York ma sœur Béatrice, mariée à un photographe. Et il m'a demandé de lui servir de modèle. Malgré ma répugnance, je ne pouvais refuser. Et voilà, mon beau-frère a diffusé ses photos. Un talent scout a alerté Hollywood. Je me rendais compte qu'une starlette et une secrétaire ne font pas exactement le même métier. Je n'avais pas envie d'être actrice. Je n'aimais pas m'exhiber ainsi. Comme on m'avait toujours dit que pour une fille honnête, il n'y avait qu'une solution, le mariage, Quand j'ai cru aimer Mickey René, j'ai cru non moins sincèrement qu'en l'épousant, j'allais retrouver l'ombre et la tranquillité. On a toujours un peu de pudeur à vouloir fouiller dans la vie privée des gens, et ce n'est certainement pas ce à quoi je voudrais me livrer ici. Mais tout de même, pour comprendre quelque chose à la carrière et en même temps à la psychologie d'Ava Gardner, et donc à ce qu'elle a pu représenter, car il y a eu un jeu très subtil entre ce qu'elle a incarné à l'écran et ce qu'elle a vécu elle-même, il faut sans doute remonter à ses années d'enfance. Elle l'a dit elle-même, mais sans vouloir révéler ou aller chercher quelque secret que ce soit, il faut, je pense, replacer cette enfance dans le cadre qui était le sien, c'est-à-dire celui d'un certain sud des États-Unis. Sud des États-Unis qui est marqué par un double phénomène, celui de la pauvreté des petits blancs, qui souvent n'ont que cette fierté raciale justement pour s'affirmer par rapport à d'autres communautés, et d'autre part est sans doute lié avec le phénomène du puritanisme, d'un protestantisme exacerbé qui ne transige sur aucun principe de morale souvent très étroitement comprise. Si on veut en avoir une idée, le mieux est peut-être de penser à certains romanciers justement de ce Sud, particulièrement à des écrivains comme Flannery O'Connor ou Robert Penn Warren, ou bien entendu Faulkner, dans laquelle on voit comment une psychologie peut être formée et peut être soumise à des tensions quasi insoutenables, du fait même de cette pauvreté difficile à supporter, parce qu'il faut la faire cohabiter avec un orgueil, et en même temps par l'opposition qu'il y a entre une certaine sensualité de la nature dans laquelle on vit et cette morale qui, au contraire, demande que l'on passe à côté de cette sensualité, qu'on la refoule, qu'on la nie. Et c'est sans doute dans l'ensemble de ce paysage, paysage éthique, paysage géographique, naturel de l'autre, que peut-être on peut trouver un certain nombre des ressorts qui ont mené Ava Gardner pendant sa vie et qui l'ont mené en tant qu'actrice à pouvoir incarner un certain nombre de rôles qui ont été les rôles dans lesquels elle s'est vraiment révélée elle-même. Elle m'a dit plus tard qu'on l'avait découverte dans Les Tueurs, mais en fait, elle sait, elle, qu'elle a été découverte par Leonid Mogi, qui était en Amérique à cette époque et qui avait fait un film qui s'appelait Whistle Stop, Tragique Rendez-vous. Il a été le premier metteur en scène à la rassurer, à lui donner confiance en elle-même et à la mettre en valeur sans utiliser simplement son physique. Il a fait appel à l'être humain. Pour elle, c'est là que c'est parti. Dans Marchand d'illusions, elle avait une silhouette. Elle croisait sur un palier devant un ascenseur Clark Gable. Et leur retrouvaille impliquait qu'ils se connaissaient déjà, qu'ils avaient peut-être eu quelque chose. Et il y avait chez elle quelque chose de véhément et d'ironique, mais à l'égard d'elle-même. Elle avait l'air de dire « quelle pauvre fille je suis », alors qu'elle était extraordinairement belle. Ça m'avait beaucoup frappé, ça. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'elle se moque d'elle-même? Elle a l'air de s'accuser de quelque chose qu'elle a fait elle-même. Elle avait du mystère de ce fait. Et dans Ville haute, ville basse, c'était la beauté, c'était la maîtresse qui volait à Barbara Stanwyck son mari. Et là encore, il y avait chez elle une dimension de scrupule qui m'avait beaucoup remué. C'était quelqu'un d'honnête, d'intègre. Et ça, c'est une dimension qu'on trouve rarement chez la voleuse de mari. Prêt au amour. S'il se peut que je meure sans avoir su d'où je vous possédais, en quel soleil était votre demeure, en quel passé votre temps, en quelle heure je vous aimais. Prêt au amour qui passait la mémoire, feu sans foyer dont j'ai fait tout mon jour, en quel destin vous traciez mon histoire. En quel sommeil se voyait votre gloire, ô mon séjour? Quand je serai pour moi-même perdu et divisé à l'abîme infini, infiniment, quand je serai rompu, quand le présent dont je suis revêtu aura trahi, par l'univers en mille corps brisés, de mille instants non rassemblés encore, de cendre aux cieux jusqu'au néant vané. Vous referez pour une étrange année un seul trésor. Vous referez mon nom et mon image de 1000 corps emportés par le jour. Vive unité sans nom et sans visage. Cœur de l'esprit, ô centre du mirage, très haut amour. ...1947, Singapour de Brahms, Marchand d'illusions de Conway. 1948, Un caprice de Vénus de Saïter, L'île au complot de Léonard. 1949, The Great Sinner, Passion fatale de Siodmak, East Side, West Side, Ville haute, Ville basse de Mervyn LeRoy. Ce qui est assez étonnant tout de même dans le cas d'Ava Gardner par rapport à certaines vedettes, c'est que même quand on lui a prêté des liaisons, bon, vraies ou fausses, mais pour la plupart du temps vraies, je suppose, ça n'a jamais pris un caractère scandaleux et croustillant comme ça a été avec d'autres. Comme si on avait senti tout de même qu'à travers tout ça, d'ailleurs tous les articles, même dans Ciné Revue, ça, on a toujours insisté sur... Mais qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle n'est pas heureuse? Et en regrettant tout le temps qu'elle ne le soit pas. C'est tout de même assez étonnant. Parce qu'il y a des vedettes qui ont mené une vie un peu assez perturbante pour des tas de raisons. On a dit, oh, bah, après tout, c'est un petit peu leur faute. Pourquoi elles se sont mises à boire? Bon, pourquoi ceci? Pourquoi cela? Chez Ava Gardner, on dit, bah oui, c'est vrai, elle s'est mise à boire trop. Bon, d'ailleurs, elle le disait. Je veux vivre jusqu'à 150 ans avec une bouteille dans une main, une cigarette dans l'autre. Bon, c'était une espèce de provocation. Elle boit, elle fume, elle se détruit, elle n'est plus aussi belle, et malgré tout, on dit, elle est quand même belle, même si elle a grossi. Et tout le temps, dans les articles, même les magazines les plus, disons, commerciaux, bon, revient cette idée, mais c'est une injustice, cette femme n'a pas été heureuse. Bon, je trouve ça quand même assez formidable, que ça soit senti jusque dans une presse qui... ne fait pas tellement d'habitude de cadeaux aux acteurs et se sert des accidents ou des malheurs de leur vie privée que pour appuyer sur le sensationnel. Showboat, George Sidney, 1951. Sit down. Oh, quit it. Hey, look it. You know this one? Huh? Fish gotta swim. Birds gotta fly. I gotta love one man's heart. Hey, Julie, come on, let's get out of here. Oh, leave me alone, Jim. Say, listen. Who bought your ticket? Oh. That's rather untidy conduct, my friend. Oh, it is, huh? Say, well, you think... Hey! No cause for worry, folks. Just a little misunderstanding. You know what Kevin has? 218. Thanks, mister. That's all right. I don't know why it should matter to you. Somebody used to sing that song. Somebody who mattered to me very much. Excuse me. Hey, who's that fella? Oh, fair-sized gambler. He travels with us now and then. Say, he's got a fair-sized punch, too. A gambler, huh? You mean Ravenel, is it? Yes, Gilbert Ravenel. So that's the good. Excuse me, ma'am? Give me a knee, Bri. Yes. Just to get my courage up. Lorsqu'on interroge tous ces cinéphiles qui ont été fascinés par Ava Gardner, lorsqu'on essaie de comprendre pourquoi, justement, ils sont fascinés et d'une manière tellement particulière, très différente de la façon dont ils ont pu être attirés par d'autres actrices, on se rend compte qu'il y a quelque chose d'assez mélangé, dans la mesure où il leur est très difficile de faire réellement le départ entre la femme qu'ils admirent et l'actrice qu'ils admirent aussi. En réalité, on a l'impression que, dans leur imaginaire, l'actrice est la femme et que la femme finit par se fondre dans l'actrice. Et qu'en réalité, on n'arrive plus à séparer l'une de l'autre, mais que, sous quelques facettes qu'on la prenne, on retrouve en même temps cette seconde facette. Ce qui veut dire, en fin de compte, que lorsqu'on voit Ava Gardner sur l'écran, ce n'est pas seulement la star, mais c'est bien la femme, je dirais, presque fragile, vulnérable, que l'on sent, qui déclenche un certain nombre de sentiments et d'émotions. Et en même temps, devant cette femme, c'est le portrait de l'actrice qui se réimpose. Et il est très frappant de voir que tout le monde, en fin de compte, finit par en venir à cette analyse, finit par reconnaître que ce qui a pu le bouger dans son cœur, c'est justement ce mélange, je dirais, à la fois de gloire, de mythe et de faiblesse, de vulnérabilité, de quelqu'un qui est presque à portée de la main, je veux dire par là, à qui on pourrait tendre la main, à la fois par compassion et à la fois par révérence. Elle n'avait pas conscience du tout de sa séduction. Et sa féminité, je crois, en fait, est faite de beaucoup de défis. C'est parce qu'on n'a pas vu l'être humain en elle qu'elle s'est dit, bon, puisqu'on me veut belle, je serai très belle. Elle est orgueilleuse, hein. Ça l'a sauvée, ça. Elle est orgueilleuse et elle est exigeante. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas les choses mal. Quand elle se sent tenue de les faire, elle les fait le mieux possible. Et c'est comme ça qu'elle a crevé l'écran. Brusquement, elle rencontre un type avec, pour lequel, a priori, cette fille superbe, jeune, belle et tout, n'était pas faite. C'était Mickey Rooney, qui était tout petit, qui était couvert de taches de rousseur. Il l'épouse et Mickey Rooney, c'était à la MGM, la série des enfants du juge Hardy. Et c'est lui qui lui a appris à se débarrasser de cet accent du Sud, à parler. Bon, ils ont été mariés un peu plus d'un an, ça n'a pas tenu. On se demande d'ailleurs, moi, rétrospectivement, moi, j'ai toujours été jaloux de Mickey Rooney. En disant, c'est pas vrai, il s'est marié avec cette fille, qu'est-ce qu'elle avait donc dans la tête? Bon, je crois que c'est lui un peu quand même qui l'a posé. Et à partir de ce moment-là, elle a eu un petit peu plus confiance en elle. Et puis, il y a eu ce rôle de vamp dans Les Tueurs de Siodmak. On est en pleine vogue du film noir. Elle joue un rôle de femme dans ce film qui est construit sur des retours en arrière, qui est le mauvais génie d'un homme. Bon, tout a démarré à partir de là. À partir de là, elle est consacrée vedette. Enfin, vedette, c'est peut-être un peu excessif, mais en tout cas, elle a un grand rôle. Il y a la beauté, il y a le succès, et ça y est, c'est démarré. Elle a continué parce qu'elle était sur le chemin, mais tout ce qui s'est passé avant, si vous voulez, je crois qu'elle ne l'a pas vraiment voulu. C'est-à-dire que ce sont les autres qui ont décidé pour elle. Bon, alors, le mariage avec Mickey Rooney n'ayant pas marché, elle épouse un musicien de jazz, peut-être chef d'orchestre d'ailleurs, qui s'appelait Artie Shaw, qui était, paraît-il, un intellectuel. C'est très curieux parce que là, on retrouve l'histoire de Marilyn Monroe et d'Arthur Miller. Bon, avant la lettre, un type qui se prenait pour un intellectuel, qui disait, bon, elle lit des romans populaires, il lui arrachait des mains, autant on emporte le vent, ou des trucs comme ça pour lui faire lire Tolstoï ou les frères Karamazov ou je sais pas trop quoi. Ça n'a pas duré non plus. Bon, ça a cassé. Et puis, entre-temps, elle s'impose à Hollywood. Alors, arrive quand même un film qui est un film phare, qui est Pandora, qui a été tourné en Espagne, réalisé par Albert Lewin, qui était un personnage très curieux, qui avait été directeur de production. Pandora, où elle joue une femme mythique qui rencontre un personnage, ça se passe dans le monde moderne, qui est le Hollandais volant de la légende du vaisseau fantôme. C'est James Mason qui est sur un yacht dans une baie d'Espagne, etc. Et dans ce film, elle porte malheur à tous les hommes, sauf à celui-là qu'elle va suivre dans l'éternité. Elle part avec lui à la fin sur le bateau, pour continuer. Très curieusement, il se produit sur ce tournage quelque chose. Bon, elle tombe amoureuse d'un torero. Il y a d'ailleurs un torero qui se tue. Enfin bref, on aurait dit que brusquement, étant devenue une star, parce qu'elle l'est à ce moment-là, bien que le Pandora n'ait pas eu sur le coup un grand succès, parce que c'était trop intellectuel pour Hollywood, elle continue de jouer, de rester un petit peu indépendante de ce qui se passe dans le cinéma. C'est-à-dire, il y a une double image, je pense. Il y a l'image que le cinéma veut donner d'elle, le cinéma d'Hollywood, parce que entre tout de même les... comme on a dit, les tueurs et celui-là, il y a eu un certain nombre de films qui sont plus hollywoodiens. Bon, mais, et en même temps, elle devient une femme qui cherche le bonheur, qui prend des hommes et puis ça marche pas. Il y a le mariage avec Frank Sinatra, là, qui se situe, je crois, vers cette période-là. Donc, si vous voulez, il y a réuni des choses assez extraordinaires qui sont les éléments d'une biographie d'une femme qui... C'est exactement tout ce qu'on peut amener dans les romans pour Midinette, à savoir une fille pauvre qui a été touchée par le cinéma, qui finalement n'est pas heureuse, bien qu'elle ait la gloire. Bon, et ça c'est très étonnant parce que c'est vrai. Frank Sinatra et moi, nous nous sommes battus, mais nous nous sommes aimés. Et nous sommes restés amis. C'est Frankie qui m'a le plus appris. La méfiance à l'égard des autres et de soi-même. La cruauté qui se cache derrière certaines exigences. Les dangers du goût de l'absolu, de l'insatisfaction. J'ai mené une vie très dissolue, vous savez. Brindo a Pandora la muerte de este toro. Quiero hacerle una faena tan grande como mi cariño y tan bonita como tu cara. Al saber que tus ojos me miran, quiero torear como nadie. Vaya por Pandora. Vaya por ustedes. Tu sens le foin, tu sens la pierre où des bêtes se sont posées. Tu sens le cuir, tu sens le blé quand il vient d'être vanné. Tu sens le bois, tu sens le pain qu'on apporte le matin. Tu sens les fleurs qui ont poussé le long d'un mur abandonné. Tu sens la ronce, tu sens le lierre qui a été lavé par la pluie. Tu sens le jonc et la fougère qu'on fauche à la tombée de la nuit. Tu sens le houx, tu sens la mousse, tu sens l'herbe mourante et rousse qui s'égrène à l'ombre des haies. Comme elle était la fille d'un planteur de tabac très pauvre, d'une famille de 7 enfants, je crois. Tout ce que ses parents... Elle n'accusait pas ses parents, mais je n'ai pas l'impression qu'elle ait eu beaucoup de chaleur pendant son enfance. Ce qui est bizarre, c'est qu'un garçon ne se soit pas intéressé à elle plus tôt, qui aurait pu déjouer le cours des choses. En tout cas, elle m'a dit que ses parents lui avaient fait ce qu'ils pouvaient pour elle, c'est-à-dire lui assurer des cours de sténodactylographie, pour en faire au mieux une secrétaire et au pire une standardiste. Et quand elle a eu 18 ans, ils l'ont envoyée chez sa sœur aînée qui vivait à New York, mariée à un photographe, Et le photographe l'a évidemment trouvée très belle avec son œil de professionnel. Il a fait une série de photos d'elle. Il en a couvert sa vitrine. Et c'est comme ça qu'un talent scout de Hollywood a vu des photos d'elle, s'est enquis d'elle, a alerté Hollywood, où on lui a envoyé un billet. Elle a débarqué un jour. Elle était affolée. Mais en même temps, elle était coincée. Elle sentait bien, tout le monde lui faisait valoir ça comme une chance, qu'elle n'avait pas le droit de revenir, de ne pas saisir cette chance. Et tout de suite, en fait, on l'a trouvée belle, mais on a souligné sa gaucherie, son ignorance. Elle avait un accent du Sud très prononcé. Elle a été tellement maltraitée à ses débuts à Hollywood, elle me disait qu'elle n'a pas compris pourquoi on lui demandait de signer un contrat. Elle dit, mais enfin, si je suis cette espèce de dinde qu'on dit que je suis, pourquoi veulent-ils de moi? Et puis, bien sûr, comme elle avait un contrat, elle avait, je crois, un contrat de 2 ans d'abord. Elle avait un chèque toutes les semaines. On l'a employée dans une quantité de silhouettes pendant 5 ans à peu près. Et elle était terrorisée chaque fois que la caméra semblait approcher d'elle. Elle s'éloignait. Alors, elle se faisait engueuler par le metteur en scène parce qu'elle cassait la mise en scène. Elle fuyait. Elle fuyait la caméra. Et toute sa vie a été comme ça, elle s'est sentie poussée, coincée, piégée. Elle aurait voulu être une épouse, une mère, une ménagère, obscure. C'était tout ce qu'elle souhaitait, elle. En fait, pour tous les fidèles d'Ava Gardner, et je pense dans la réalité elle-même, on peut dire que le tournant de son destin de star est ce qui va l'imposer réellement comme une star, et une star différente des autres, ça va être le film d'Abert Lewin, Pandora. Dans la mesure où là, il y a comme une sorte d'éclatement de la personnalité d'Ava Gardner, éclatement à la fois de ce qu'elle représente d'un point de vue sentimental et de ce qu'elle représente d'un point de vue sensuel ou disons d'un point de vue de beauté plastique. Car il est certain que dans Pandora, elle est filmée d'une telle manière qu'on a effectivement l'impression de voir une déesse vivante marcher sur les plages espagnoles, et à la fois, c'est aussi l'affirmation qu'elle est capable de jouer un rôle et un rôle qui l'égale immédiatement aux plus grandes, puisque devant ce rôle de Pandora, les seules comparaisons que l'on puisse faire sont sans doute certains des films de Greta Garbo. Donc on voit très bien comment là, il y a quelque chose de décisif qui se joue, qui fait qu'Ava Gardner ne sera plus jamais comme avant, et de ce point de vue, il est d'ailleurs significatif que lorsqu'on parle à tout cinéphile, la naissance d'Ava Gardner est toujours placé effectivement en 1951 avec le film de Lewin. Juste avant ça, il y a tout de même un rôle assez intéressant qui n'était qu'un second rôle mais qui infléchit un peu l'image qu'il y avait avant. C'est dans Showboat de George Sidney, qu'on a revu d'ailleurs il n'y a pas tellement longtemps à la télévision. Dans Showboat, elle est Julie Laverne, qui est une danseuse et une chanteuse sur le bateau théâtre là, qui s'en va sur le Mississippi dans les années 1880, et on découvre que c'est une métisse, elle a du sang noir dans les veines, elle est chassée de la troupe sur l'intervention d'un type qui est jaloux d'elle et qui a prévenu le shérif parce que ça se passe dans les États du Sud, et c'est une femme qui va vers une espèce de déchéance à cause de ça, qui se met à boire, etc., et qui fait quand même le bonheur de la petite jeune fille qui est très malheureuse dans l'histoire. Bon, peu importe, on va pas raconter le film. Et là c'est une femme qu'on voit brisée au fur et à mesure que le rôle évolue, et qui en même temps devient beaucoup plus humaine que ses incarnations précédentes, et elle joue très bien. Alors, elle avait également des parties chantées, là on l'a fait doubler parce qu'on a dit qu'elle savait pas chanter, mais enfin ça, à mon avis, ça n'a pas une grande importance. Mais c'est pour dire tout de même que ce rôle, qui n'était pas le rôle principal, était déjà un changement. Yeah. L'année 1951 représente réellement le tournant dans la carrière d'Ava Gardner, puisque c'est à partir de ce moment-là qu'elle impose son personnage, qu'elle impose sa figure, de telle sorte que aucun de ses fidèles ne la verra plus jamais d'une manière tout à fait la même. C'est en même temps une année cruciale, dans la mesure où on peut dire que, à la fois, Showboat et Pandora mettent en place une certaine thématique qui ne va plus la quitter dans chacun de ses grands films. Et en particulier, dans Showboat, on peut relever ce thème du métissage, ce thème de l'hésitation à être par rapport à une culture ou à une autre culture que l'on va retrouver et traiter d'une main de maître, bien entendu, dans le personnage de Victoria de Bowen & Junction, de La Croisée des Destins de George Cukor. Et puis, pour Pandora, comment ne pas voir qu'il y a là comme un ressac intérieur, qu'il y a comme une annonce du plus grand rôle, sans aucun doute, d'Ava Gardner, qui est celui de la comtesse aux pieds nus. Une annonce par le thème de la femme quasiment inaccessible au commun de l'humanité, mais inaccessible parce que son exigence est trop forte, parce que sa quête est une quête réellement de l'absolu, et que, bien entendu, il n'y a que quelques âmes élues qui peuvent y avoir accès. Pour la comprendre en même temps, pour voir ce qui se joue, il faut replacer très certainement ce film par rapport à l'évolution du cinéma américain lui-même. Car cela fait 4 ou 5 ans que ce cinéma présente la femme d'une façon toujours négative, sous les traits de la vamp, et en fin de compte comme étant le corps de perdition pour l'homme et donc l'ennemi contre lequel il faut se battre. Or, avec Pandora, c'est bien entendu le retour du romantisme qui est affirmé et du romantisme poussé jusqu'à ses extrêmes, puisque ce qui se trouve mis en scène au plus profond dans Pandora et à travers la reprise du mythe du vaisseau fantôme ou du Hollandais volant, c'est le désir d'éternité qui se trouve au cœur même de tout amour à partir du moment où il accepte d'excéder ses propres limites. Il est vrai que Pandora, c'est très troublant parce que ça arrive à une période là justement où on ne sait plus trop quoi faire des images féminines, on est au plus haut point de la misogynie, et en même temps, elle est la femme fatale, mais on découvre derrière cette femme fatale une femme qui aspire profondément au bonheur, mais un bonheur qui est plus grand que le bonheur qu'on trouve sur la Terre. En fait, Pandora devait se faire avec un autre metteur en scène, avec une autre actrice, avec un autre acteur. Je crois qu'elle a fait partie de la troisième distribution. Pourquoi est-ce que ça a été elle? C'est là qu'on se dit c'est le doigt du destin. Et c'est dans Pandora que pour la première fois elle joignait le mythe. C'est la première fois qu'elle faisait rêver extraordinairement, qu'elle traversait le temps et l'espace, qu'elle était fabuleusement belle. Et surtout, c'est la première fois qu'elle commandait des épreuves aux hommes, elle commandait l'amour fou. Et en fait, c'était pour mieux s'y consumer elle-même. Et c'est là qu'elle a découvert qu'on peut prétendre aller jusqu'au bout de soi. Alors qu'en tant qu'individu, en tant que femme, et même en tant qu'actrice, ça lui était interdit. On lui enjoignait toujours d'être raisonnable, d'être mesurée, d'être prudente, de ne donner que ce qu'il fallait. Bon, le mieux possible, mais pas plus. On ne voulait pas plus. Et le sujet de Pandora a inscrit chez elle, si vous voulez, cette certitude qu'on peut aller jusqu'au bout de soi-même. Mais elle n'avait jamais vécu ça à titre personnel. Mais attention, Pandora s'est tournée en grande partie en Espagne. Elle a découvert l'Espagne. Et l'Espagne l'a complètement chamboulée. C'est-à-dire qu'elle a découvert un peuple comme elle, humilié et orgueilleux. Et s'affirmant sans cesse et défiant le sort sans cesse. Elle a connu l'Espagne, les nuits andalouses, les corridas, le défi. The first night when I swam out to his yacht, there wasn't any crew on board. I thought perhaps he'd given them shore leave. What's strange about that? There wasn't even a watch on deck. And I've never seen any of the men around the village, have you? If I did see them, I wouldn't know them. They're strangers to me, after all. I could see no one except the Dutchman. The ship seemed to be making itself ready for sailing. Resolution had not wavered. she was safe. She would never see him again. There's something else I've never told anyone, because no one would believe it. I'm not quite sure I believe it myself. What's that? He was killed, and he came back to life. Afin de comprendre réellement ce que nous sommes en train de dire ici, sans doute est-il tout de même nécessaire de raconter un tout petit peu quelle est l'histoire de Pandora. Ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à cette jeune femme qui ne comprend pas très bien, en fin de compte, pourquoi elle est sur Terre et à quoi elle sert dans sa vie, et qui donc cède à des vertiges, par exemple, comme ceux de l'alcool, pratiquement tous les hommes qui l'approchent tombent amoureux fous au point même d'accepter de risquer leur vie pour elle. C'est ainsi que l'on voit un poète se suicider devant elle, c'est ainsi que l'on verra un torero mourir dans l'arène à cause d'elle. Mais ce qui marque le plus profondément Pandora, c'est qu'il y a en elle, et sans qu'elle le sache éventuellement, une exigence d'absolu telle qu'elle ne peut connaître et qu'elle ne veut connaître qu'un amour, et un amour tellement fort que, pour reprendre les mots du Cantique des Cantiques, il soit plus fort que la mort, et en même temps, bien entendu, il s'accomplisse dans la mort. Par ailleurs, Pandora est la réincarnation d'une Hollandaise qui avait vécu au XVIIe siècle, tuée, si l'on peut dire par erreur, par son mari, qui depuis erre sur les mers et les océans jusqu'à ce qu'il soit pardonné, jusqu'à ce qu'une femme accepte de mourir pour lui. Et tout le film va consister dans le fait que cet homme, qui se survit ainsi dans une damnation éternelle, va retrouver celle qui avait été sa femme des siècles auparavant et qui est aujourd'hui réincarnée. Et c'est très certainement là que gît l'une des fascinations du film, dans cette réflexion qui n'est pas sans rappeler, par exemple, l'Achille de Rieder Hagar, cette réflexion, donc, dans laquelle on voit l'amour être non seulement plus fort que la mort, mais être même plus fort que le temps, et où l'histoire, derrière l'histoire directe, l'histoire qui se joue sur le fond, c'est la façon dont deux âmes se recherchent à travers l'exil de l'histoire, jusqu'au moment où elles se retrouvent, jusqu'au moment où elles peuvent accomplir, où elles peuvent consumer leur destin, et où elles pourront entrer définitivement dans la mort, parce que ce ne sera pas la signature de leur échec, mais ce sera au contraire l'affirmation de leur triomphe. Si tu pouvais pressentir le destin dont tu vas être la proie avec moi, tu saurais alors quel sacrifice tu me fais en me jurant fidélité. Devant le sort auquel tu veux te vouer, ta jeunesse reculerait en frissonnant. Si la plus belle vertu de la femme, la sainte fidélité, n'est pas une vertu que tu puisses appeler tienne. Je connais les devoirs sacrés de la femme. Rassure-toi donc, homme infortuné. Laisse le destin prononcer sur celle qui peut braver son arrêt. Dans la pureté sans tache de mon cœur, je connais la loi souveraine de la fidélité. Celui auquel je l'avoue, je lui voue la seule véritable. La fidélité jusqu'à la mort. Elle avait de grands besoins affectifs qui n'ont jamais été comblés. Et elle avait des appétits sexuels dont elle avait honte. Et évidemment, chaque fois qu'elle s'est trouvée devant un partenaire, c'était sa beauté que l'on voyait et on se fichait complètement de satisfaire son affectivité. Un film, c'est comme la vie, avec des moments de trivialité et aussi des moments grandioses. Mais est-ce que je suis une actrice ? Le plus terrible avec moi, c'est ce qu'a défini le mieux un astrologue nommé Trident. Il paraît que je suis à la fois le taureau, le matador et la spectatrice. D'une certaine façon, Pandora annonçait déjà la comtesse aux pieds nus, et ce sont en effet un certain nombre de thèmes qui vont se réaffirmer et qui vont se creuser, qui vont en même temps devenir plus subtils, plus profonds, d'un film à un autre. En réalité, le portrait de femme qui est ainsi bâti peu à peu par Ava Gardner, portrait d'ailleurs qui va devenir indiscernable de son propre personnage pour ceux qui sont les spectateurs de ses films, c'est celui de la femme inaccessible et, si l'on peut oser le mot, de la femme statue. Par statue, bien entendu, je pense à ces représentations que nous ont données le génie des Grecs, dans laquelle on voit la plus merveilleuse beauté, mais une beauté figée, une beauté d'une certaine manière morte. Or, ce qui était sans aucun doute l'une des images les plus frappantes dans Pandora, c'était le face-à-face, pendant quelques secondes, d'Ava Gardner avec une statue qui se trouvait là, sur la plage, au cou de laquelle elle nouait une écharpe, et comme s'il y avait un échange entre cette statue et elle, qui faisait qu'elle pouvait devenir vivante, qu'elle pouvait se mettre à courir sur le sable, qu'elle pouvait plonger dans la mer et rejoindre le bateau sur lequel l'attendait le Hollandais volant. Or, c'est ce même processus qui se poursuit dans La Comtesse aux pieds nus, mais cette fois-ci avec une femme qui tout de suite est une femme vivante, qui tout de suite est une femme qui demande à vivre, qui demande à se placer au point le plus incandescent de la passion, à partir duquel tout va trouver un orient, tout va trouver une justification, tout va trouver un sens, donner un sens à la vie. Et en même temps, bien entendu, c'est la même dialectique qui se met en marche, comme de l'impossibilité à vivre l'absolu dans notre ici-bas terrestre, et donc cet accomplissement dans la mort. À ceci près, cependant, que l'accomplissement dans la mort qui était voulu, cherché, quasiment exalté dans Pandora, va devenir d'une certaine manière presque un peu sordide dans La Comtesse aux pieds nus, parce que ce qui s'affirme là, c'est justement la nostalgie d'un monde dans lequel nous vivons aujourd'hui et dans lequel peut-être, à un certain degré, à une certaine hauteur, on ne peut plus vivre véritablement des histoires d'amour suivant le sens le plus fort que l'on donnait autrefois à ce terme. En tant que spectateur, bon, Ava Gardner, moi je l'avais toujours, je ne ratais aucun de ses films parce que je la trouvais splendide et puis il se passait quelque chose avec elle, même dans des films qui étaient médiocres, elle a une présence. Mais ce qui arrive avec La Comtesse aux pieds nus, bon, d'abord c'est un film de Monkey Wicks qu'on considérait comme, et qui était d'ailleurs, il y a bon, un des grands réalisateurs d'Hollywood. Et là, il y a comme un espèce de sommet parce qu'on se dit, bah voilà, cette femme qui est prodigieuse, qui est belle, qui est une star, enfin, on lui donne le rôle qui correspond à sa personnalité, ce qu'on avait pressenti dans Pandora, c'est-à-dire que, en tant que cinéphile, si vous voulez, nous estimions, pour la plupart, qu'elle valait mieux que les rôles qu'on lui donnait. Tout ça parce que le cinéma américain était misogyne, comme on l'a dit tout à l'heure, et que finalement, plus les femmes étaient belles, plus elles étaient employées en manière d'objet. Et on sentait très bien depuis Pandora que cette actrice, bon, méritait d'échapper à ce destin d'objet sexuel qui a frappé beaucoup de très belles actrices de l'époque, quand ça n'aurait été que Rita Hayworth ou Yvonne De Carlo. Oh, il y en a eu d'autres, même Lana Turner d'une certaine manière, bon, qui n'ont jamais été. Gardner, c'est autre chose. On se disait, mais c'est bon, c'est une comédienne. Bon. Alors, La Comtesse aux pieds nus, il est vrai que Mankiewicz s'est servi de beaucoup de choses du monde d'Hollywood. D'abord, c'était une production indépendante, et il montre le monde d'Hollywood comme un monde épouvantable. Pour ce qui est de La Comtesse aux pieds nus, je crois qu'on peut créditer l'intelligence de Mankiewicz, qui est diabolique. Mankiewicz est un sondeur d'âmes. Il a tout de suite évaluer le potentiel d'Ava Gardner, et le scénario d'ailleurs renonçait presque à la fabulation, puisque dans La Comtesse aux pieds nus, elle incarne une actrice, d'abord une danseuse flamenco, qui accepte de devenir actrice par défi, et qui, devenue actrice, puisqu'il y a cette scène inoubliable au cours de laquelle, après sa consécration en tant qu'actrice, il y a une partie qui est donnée en son honneur, elle quitte tous les invités sans un mot, et elle va au fond du jardin, rejoindre dans un pavillon un gitan, maigre et brun, qui va l'aimer, qui va lui faire mal, comme elle voudrait. Et ça, en fait, elle n'avait peut-être jamais vécu à compte personnel, mais après, elle n'a cessé de le vivre pendant des années. Elle s'est mise à rejoindre ces deux personnages de Pandora et La Comtesse aux pieds nus. Perhaps it'd be better outside. solo palabra de más, me iré aunque no tenga cara. Muerta o viva. My brother took all your cigarettes. I have another pack. What did you tell your mother? Just now? Uh-huh. I told her if she said one more word, I would go to America, even if I did not want to go. Au début, elle est morte. Il y a une statue, comme dans Pandora. C'est l'enterrement dans un cimetière italien. Bon, elle avait fini par épouser un aristocrate italien, donc elle était partie d'Hollywood, elle était en Europe. Bon, et puis, bon, elle est morte dans des conditions qu'on apprend au cours du film. Et il y a plusieurs témoins de sa vie qui, pendant la cérémonie de l'enterrement, revoient sous la pluie l'histoire de Maria Vargas, jouée par Ava Gardner. Parmi ceux-là, il y a Bogart. Humphrey Bogart, qui est celui qui l'a le mieux connu, le mieux compris et tout. Alors, qu'est-ce que c'est que l'histoire de Maria Vargas? En gros, c'est l'histoire d'une fille qui vivait dans une famille pauvre en Espagne. Bon, là, on retrouve évidemment la biographie, sauf bon, on est en Espagne au lieu d'être en Amérique, en Caroline du Sud. Elle est danseuse de flamenco dans un cabaret, mais elle se balade pieds nus. Passe un producteur d'Hollywood, producteur plus exactement, c'est-à-dire les gens qui faisaient la pluie et le beau temps. Bon, tyrannique, obsédé sexuel. Alors, on a dit que ça ressemblait un peu à Howard Hughes, qui aurait, à un moment donné, été l'amant d'Ava Gardner, mais Howard Hughes, bon, on sait très bien que qui voyait une belle actrice, il croit après. Bon, il la découvre, il veut la faire venir à Hollywood, elle n'a pas envie, elle l'envoie promener, puis c'est Humphrey Bogart qui la décide. Et ensuite, elle devient une star dans des rôles qui ont l'air assez banals, qui sont faits sur sa beauté, puis un beau jour, elle en a marre, et elle se comporte pas du tout comme devrait se comporter une star, c'est-à-dire qu'elle fait des excentricités, elle boit, elle part des studios, elle n'hésite pas à aller témoigner dans un procès en Espagne. Et puis, elle arrive en Italie avec toute cette bande de gens. Il y a des acteurs, il y a des impresarios, puis il y a les membres de ce qu'on appelait la Jet Society, et de temps en temps elle fiche le camp dans un campement de gitans où on devine qu'elle a pris un amant chez les gitans, où elle danse pieds nus jusqu'au moment où la rencontre cet aristocrate italien qui était joué par Rossano Brazzi, qui va l'épouser, qui va en faire sa femme, et puis manque de chance, il voudra assurer sa descendance, il est impuissant. Il a une blessure de guerre, ça c'est très étonnant. L'histoire de l'impuissance sexuelle qui fait que cet homme qui pourrait correspondre à ce qu'elle attend de l'amour et de la vie, bon, il ne peut pas réaliser. Et pour lui donner quand même un enfant, elle devient la maîtresse du chauffeur et l'autre la prend et il la tue. Bon, donc elle meurt. Elle meurt, mais en même temps, elle échappe à tout le monde, elle échappe à tous les gens qui l'ont fabriquée. Et là, tout de même, c'est vrai que tout le monde a dit c'est autobiographique, il y a beaucoup d'éléments autobiographiques. Je crois que c'est ça qui nous a profondément fascinés. D'abord, même dire que c'était un film d'auteur, que la façon dont c'était fait, c'était non pas qu'on ait jamais fait des films avec des retours en arrière, mais le rôle que tenait Ava Gardner là-dedans, ce mélange de fiction et de réalité, et en même temps de refus de tout ce qu'il y avait de pire à l'époque à Hollywood, c'était quelque chose d'étonnant. Alors peut-être aussi, là, si on veut bien se creuser un petit peu les fantasmes personnels, c'était tout de même assez... Quand on admire des vedettes comme ça, dont on sait très bien qu'on ne les approchera jamais et qu'on ne les possédera jamais, ce qui est le propre du fantasme du cinéphile, ça fait tout de même aussi plaisir de savoir que même dans le film, elle n'appartient en définitive à personne. Looks like an army document of some kind. It is in Italian. And I do not understand. Che sarà, sarà. That is also Italian. Apparently I'm not to be let off anything. Yes, it is an army document. A medical report. Dated October 25th, 1942. From a base hospital in Benghazi. It describes in detail the degree to which my body was blown apart by an explosion. And with understandable pride, the skill with which they put some of it together again. Do you understand now why it is so important to me for you to believe that I love you with all my heart? The report will tell you that almost the only undestroyed part of me is my heart. I love you with all of it. Tu sens le houx, tu sens la mousse, tu sens l'herbe mourante et rousse qui s'égrène à l'ombre des haies. Tu sens l'ortie et le genêt, tu sens le trèfle, tu sens le lait, tu sens le fenouil et l'anis. Tu sens les noix, tu sens les fruits qui sont bien mûrs et que l'on cueille. Tu sens le saule et le tilleul quand ils ont des fleurs plein les feuilles. Tu sens le miel, tu sens la vie qui se promène dans les prairies. Tu sens la terre et la rivière, tu sens l'amour, tu sens le feu. Elle est bouleversante, elle est pathétique. C'est une quête métaphysique, presque. Elle a cette dimension sans le savoir, alors je crois, ça. C'est-à-dire sans... On ne peut pas dire non qu'elle ne le sait pas, mais elle ne veut pas le savoir. Elle ne veut pas le savoir. Elle parle d'elle-même comme d'un être ordinaire. Mais parce que je crois aussi que l'être ordinaire, chez elle... n'a jamais eu une trajectoire complète. Et on a connu l'être extraordinaire. Mais l'être ordinaire est toujours là dans un coin chez elle. Elle n'a jamais pu le vivre complètement. Crois-tu que si le Congrès prenait le gouvernement, il voudrait nous assurer des emplois privilégiés dans les postes et dans les chemins de fer, comme le font les Anglais ? Je te garantis que ce colonel m'est aussi antipathique qu'à toi. Mais si jamais les Indiens devaient prendre la relève, il ne nous resterait plus rien. Ils s'emparaient de nos collèges et de nos situations. Qu'ils en emparent ! Mais notre pays sera indépendant et libre au moins. Oui, très bien. Pourquoi ne pas jeter également nos chapeaux et nous noircir le visage et devenir des moins que rien ? Il ne s'agit pas seulement d'emploi, mais de notre rang, de ce que nous sommes. Et qu'est-ce que nous sommes ? Je vais te le dire. Des métis, des déracinés, des cafés au lait. Victoria. Qu'essaies-tu de faire, chérie ? Tu essaies de nous blesser ? Je tâche seulement de faire comprendre à Patrick où est la vérité. Après le départ des Anglais, il faudra que nous façonnions notre destin. Si les Anglais partent, je retourne dans mon pays. Ah, dans ton pays ! Et où est-ce qu'il est ton pays ? L'Angleterre ? Tu es tombé dans la mer Noire, alors en venant ici. Victoria, ça suffit. J'ai longtemps raisonné comme vous autres, mais je viens de passer 4 ans avec des Anglais et avec des Indiens. Ils savent ce qu'ils sont, ces gens-là, pas nous. Nous ne serons jamais de véritables Anglais parce qu'à moitié Indiens, jamais de véritables Indiens parce qu'à moitié Anglais. Là-bas, j'ai découvert que le plus grand bonheur, c'est de savoir qui on est, et nous ne le savons pas, nous autres. Le passé est mort, le présent est en route. Je voudrais que tu essaies de réfléchir, que tu essaies de comprendre. Cucor, brusquement, il lui donne aussi un rôle de femme partagée entre deux races et deux cultures, puisqu'elle c'est une métisse anglo-indienne. Dans l'Inde de 1947, là, au moment où arrive la décolonisation, et Cucor complète en quelque sorte le. On dirait que c'était difficile de compléter la comtesse au pied nu, mais il reprend quand même chez Ava Gardner quelque chose qui devait l'enchanter lui personnellement, qui était ce refus d'entrer dans une image, et en même temps le déchirement qui pouvait y avoir chez cette femme entre deux cultures, entre deux sangs, le sang européen, le sang indien, et qui était en même temps aussi entre le cinéma et la vie. On est suffoqué dans la croisée des destins par la beauté plastique la science de la démarche, l'accord des regards et de l'émotion, l'art des silences. Surtout, on est saisi, croyant entendre sourdre doucement le sang de blessures non refermées. Une star, mieux. Un mythe, plus encore. Un être humain au coefficient plus. Je demande humblement de revenir aux sources de la vraie foi et je veux qu'elle devienne également sikh. Êtes-vous consentante? Oui. Puissiez-vous être bénie au nom du Tout-Puissant Seigneur. Prenez conscience que vous êtes une indienne et que ça guide vos actes. Vos actes. Il y a des salles pour les moricots. Tu vas les fréquenter. C'est là que tu dois aller chic et tu pépèles avec ton amant mal blanchi. Mal blanchi. Nous ne serons jamais d'anglais parce qu'à moitié indien. Nous ne serons jamais de vrais indiens parce qu'à moitié anglais. Qu'essaies-tu de faire? De nous blesser? Je ne peux plus être nulle part chez moi. Je ne peux plus être nulle part chez moi. Je ne peux plus être nulle part chez moi. Je vous admire, Victoria. Je vous aime d'un amour très pur. J'aurais voulu attendre que vous puissiez mieux me connaître, mais ma mère ne cesse de me dire que je dois me rater ou que vous en auriez épousé un autre. Si l'on essaie de voir une différence, ou plus exactement, hein, ou une espèce de renversement entre la comtesse aux pieds nus et la croisée des destins, c'est que tout de même la comtesse était bien fondée sur l'idée que la femme, avec un grand F, car quand il s'agit d'Ava Gardner, c'est bien de ça que nous parlons, la femme échappait à l'homme. Alors que d'une certaine façon, la croisée des destins se termine par ceci, que justement elle devient humaine et qu'elle choisit la vie. Oui. Et là, on peut se demander s'il n'y a pas une sorte d'interférence assez subtile avec la vie même ou la manière même dont Ava Gardner s'est réfléchie elle-même. Bon, et qui peut-être, justement, explique un peu cette fascination, parce qu'on ne sait jamais trop si on est devant le mythe Ava Gardner, si on est devant la femme, et sans doute, est-ce qu'il y a une sorte de complexe de compositeur des deux. C'est que, à partir de là, Ava Gardner, effectivement, va pratiquement descendre du niveau du mythe dans ses interventions au cinéma. Je dirais qu'elle va pratiquement... Enfin, tout au moins, là, c'est la passion personnelle qui parle. Mais elle va sauver des films comme Le Soleil se lève aussi, de Harry King, ou même Les 55 jours de Pékin, qui sont pas un si mauvais film, on l'a dit. Mais où elle a un rôle quand même absolument extraordinaire. Et ensuite, lorsque vous dites Hollywood l'a peut-être reprise, je me demande si Hollywood l'a reprise, parce qu'à la limite, elle se fiche de Hollywood, elle ne tourne plus des films que pour gagner de l'argent, et c'est tout. Alors, on va reprendre un petit peu La Croisée des Destins, parce que moi, j'ai une interprétation, encore une fois personnelle. Il y a deux choses dans La Croisée des Destins. Il y a le problème Cukor et il y a le problème Ava Gardner. Bon, à mon sens, Cukor s'est servi, enfin, a utilisé merveilleusement Ava Gardner, mais en même temps, à travers cette femme qui est métisse et qui, à la fin, comme vous dites, choisit la vie, une espèce d'équilibre humain, il a traité son problème. Bon, on peut le dire maintenant, Cukor est homosexuel, donc il était partagé entre deux. Et je crois qu'il y a une projection de Cukor qui, par ailleurs, vous savez, on lui a fait une réputation de directeur d'actrice, et bon, il disait toujours, mais j'ai dirigé aussi de grands acteurs, ce qui était vrai. Je crois que là, ce qu'il pouvait y avoir de... Bon, Cukor était un homme, bon, qui n'a pas eu une vie déséquilibrée, mais qui probablement était un petit peu tourmenté. Il l'a projeté sur Ava Gardner. Je crois qu'il y a une osmose entre deux, mais c'est complètement différent de La Comtesse aux pieds nus. C'est que d'une certaine manière, Cukor, qui était un homme très installé dans Hollywood et qui l'a été jusqu'à sa mort, parce que malgré un ou deux échecs commerciaux, ça n'a jamais flanché. Il a dû projeter sur ce personnage d'Ava Gardner des choses qui lui étaient personnelles, qu'elle a dû sentir, parce que, à mon avis, c'est une femme remarquablement intelligente. Et que là-dedans, j'ai revu le film là quand il est ressorti il y a pas longtemps, et en me disant mais c'est tout à fait passionnant parce que Cukor est un peu Ava Gardner, mais Ava Gardner n'est pas Cukor. Bon, et Ava Gardner à ce moment-là Mais c'est quand même aussi... Alors là, on revient à sa vie personnelle. C'est l'échec de son troisième mariage avec Frank Sinatra. Bon, qui était tout de même Frank Sinatra à l'époque, quelqu'un d'important. Et ils ont eu une liaison extrêmement passionnée. Bon, vous direz qu'elle a eu aussi un tas de gens qu'on lui a prêtés ou bon, des tas d'intrigues. Mais à ce moment-là, je pense qu'Ava Gardner se rend compte, après son troisième mariage, parce que des années après, elle en a parlé, que finalement, elle ne sera jamais heureuse. Et je crois qu'à ce moment-là, elle s'en fout d'Hollywood. Bon, il y a eu la comtesse aux pieds nus, bon, après tout, c'est un pied de nez, elle fait des caprices, mais ils ont besoin d'elle parce que c'est une star, elle est célèbre, bon, elle continue de tourner, seulement c'est l'époque où elle... Alors, dans Le Soleil se lève aussi, très curieusement, elle est encore amoureuse d'un homme qui est joué par Tyrone Power, qui est impuissant. Ça, c'était dans le roman d'Hemingway, qui a été blessé à la guerre de 14. Je sais bien, on peut dire les rôles, bon, elle ne les a pas choisis, mais c'est quand même curieux de voir la récurrence d'un centre de thèmes. Ah bah oui, non, mais ça... Parce ça, que malgré tout, il y a bien quelque chose. Ça ne tombe pas par hasard. D'autre part, elle fait une femme très fantasque, libre de mœurs et qui picole, bon, parce qu'elle appartient à... C'est les années 25, c'est la génération perdue d'Hemingway, et puis à ce moment-là, les Américains en Europe... Il y a encore l'Espagne, il y a Paris, il y a encore l'Espagne. C'est quand même très étonnant tout ça. Bon, et le whisky ou l'alcool, et c'est le moment où elle se met carrément à boire, à passer ses nuits dans les boîtes de nuit, des nuits blanches, probablement avoir beaucoup de liaisons amoureuses, mais reste qu'il la laisse insatisfaite. Elle fume aussi énormément, au point qu'un des années plus tard, on a dit qu'elle avait un cancer quand elle a commencé à ne plus paraître au cinéma. Elle est en train de brûler sa vie, et c'est vrai qu'à ce moment-là, bon, bah, elle, qu'est-ce qu'il y a? La petite hutte de Mark Robson, vous comprenez, d'après la pièce de Roussin, bon, on peut bien dire que vraiment elle s'en fout de tourner ça. Elle a exploré le malheur de manière presque mystique. On peut le dire. Elle en était consciente, ça, à la fin. Elle dit, bon, je me suis fichu en l'air, mais on peut le dire de manière beaucoup plus noble, c'est exactement la même chose. La vie ne lui procurant pas ce dont elle avait besoin, elle s'est mise en question sans arrêt, elle est allée jusqu'aux limites d'elle-même. En même temps, je crois que les hommes lui ont fait beaucoup plus de mal qu'elle n'a fait de mal aux hommes. Elle a souffert de faire peur aux hommes, parce qu'elle est devenue plus forte qu'eux. Elle est devenue plus carrée, plus entière, plus franche. Je n'ai pas de mots pour vous qualifier, voleuse. Vous m'avez pris de l'argent. En chassant ma veine, vous me coûtez cher. Vous me portez la guigne depuis notre rencontre. Ah, votre entourage. Vous n'êtes pas une femme. Ne sachant ni aimer, ni vous faire aimer. La charmeuse que j'admirais n'est plus pour moi qu'une sorte d'animal. D'animal sans vie. Je paie votre présence. Obéissez-moi. C'est ici, sans aucun doute, que l'on peut saisir sur le vif et peut-être comprendre le mieux quel est le mystère d'Ava Gardner, si tant est qu'on puisse le comprendre réellement. En effet, c'est à partir de ce moment qu'elle va plonger dans ce qu'on pourrait appeler un romantisme de la dissolution, qui est comme la retombée, justement, de cet amour fou qu'elle a incarné et que, d'une certaine manière, on ne peut plus assumer sur notre terre. De ce point de vue-là, d'ailleurs, on n'est pas très loin de certaines des zones qui ont été explorées par quelqu'un comme Georges Bataille, précisément dans cette volonté du mal, dans cette volonté de dégradation, dans cette volonté d'autoflagellation, de mortification, comme si on devait explorer le mal jusqu'au plus profond de l'abîme, comme si on devait explorer la déchéance jusqu'à ce qu'elle devienne complète. Et c'est en même temps sans doute que l'on peut comprendre pourquoi, de ce point de vue-là, Ava Gardner a toujours été traitée d'une façon différente que les autres stars. Parce qu'on sentait bien qu'il y avait quelque chose d'extraordinairement profond et en même temps d'extraordinairement authentique qui était en train de se jouer, et que devant la grandeur de certaines tentatives, même si ce sont des tentatives plus ou moins noires, à la limite on ne peut que se taire et que s'incliner. Et c'est là aussi que l'on peut comprendre pourquoi Ava Gardner, à ce même moment, va vivre en Espagne, puisque c'est là qu'elle trouve cette dialectique de l'orgueil et de l'humiliation qui a sous-tendu sa vie, qui a sous-tendu en même temps ses films, et où elle trouve justement ne fût-ce que dans le grand cérémonial de la corrida, dont on sait qu'elle était une fervente et qu'elle n'en manquait pratiquement jamais une, eh bien, c'est là que l'on trouve ce jeu entre le taureau et le torero, ce jeu de la mort dont elle-même, nous l'avons entendu, dit que c'est sans aucun doute la clé la plus profonde de ce qu'elle a été, de ce qu'elle a été malgré elle ou en le voulant, suivant les époques de sa vie. Je suis, je ne puis le cacher, également un indigène, un morico. Mais je refuse de conspirer avec ceux qui veulent que la domination anglaise s'achève dans un bain de sang. J'ai ramené le corps, et là où je l'ai enseveli, on ne va sûrement pas pouvoir le trouver tout de suite. La dépouille de McDaniel, Mademoiselle Jones, a été retrouvée aujourd'hui dans un dépôt d'ordures. On lui avait défoncé le crâne et on l'avait mutilé avec sadisme. Rendre compte que j'ai commis un meurtre. Vous avez tué un individu qui voulait vous violer. Vous vous êtes défendu. C'est très normal. La sentinelle qui montait la garde. Nous avons retrouvé son cadavre aussi. La gorge tranchée. Il était pour rien. Et non plus, il était pour rien. Allez secourir ces pauvres pauvres qui sont en train de se claquer. Je souhaite, dans votre intérêt, que vous ne cherchiez pas à secourir un criminel. Vous êtes défendu. C'est très normal. Le meurtrier de McDaniel, quel qu'il soit, a également tué la sentinelle. La gorge tranchée. Clairement qu'en essayant d'échapper à sa conscience, elle n'avait fait que courir au vent du désastre. Elle ne pouvait pas échapper à sa conscience. Showboat de Sydney, Pandora de Lewin. 1952, Les neiges du Kilimandjaro d'Henry King. 1953, The Bandwagon, Tous en scène de Minnelli, Mogambo de John Ford. 1954, La comtesse aux pieds nus de Mankiewicz. 1956, La croisée des destins de Cukor. 1957, Le soleil se lève aussi d'Henry King. 1959, La Maya nue de Coster. 1963, Les 55 jours de Pékin de Nicolas Ray. 1964, 7 jours en mai de Frankenheimer, La nuit de l'iguane de Houston. Alors, il y a le dernier grand film quand même, c'est 64, c'est John Huston, c'est La nuit de l'iguane. Où elle est avec Richard Burton et où elle tient dans un espèce de café boui-boui complètement isolé dans la nature, là où arrive un quart de touriste conduit par Charlton Heston et où elle, on devine qu'elle s'envoie les petits, je m'excuse l'expression vulgaire, mais c'est comme ça que ça se passe un petit peu, puisque c'est une pièce de Tennessee Williams qui en plus n'était pas tendre avec les femmes, les petits serveurs mexicains, il y a encore l'alcool et tout, elle est absolument fantastique là-dedans, mais à ce moment-là, elle commence à s'empâter, elle tient la bouteille à la main, elle assume cette espèce de destin, de femme qui a été une star et qui, après tout, c'est pas une déchéance, hein, elle est toujours très belle, mais qui finalement nargue Hollywood, mais c'est son dernier grand film. sais pas de ce destin-là. En attendant, je suis ici à Londres, où on a renoncé à me photographier chaque fois que je sors. Où je peux me promener avec mon chien, faire mon marché, acheter des fleurs, préparer un dîner pour quelques amis. Et parce que j'ai, comme tout le monde, besoin d'argent, tourner encore de temps en temps. Un film par an. Mais sans plus avoir, Dieu merci, un véritalage de glamour. Alors, pour le rêve, la mythologie de cinéphile, reportez-vous à ces vieux films. Cette recherche de l'amour, là, qu'on peut dire idéal, enfin en tout cas complet, peut-être même absolu, si ça veut encore dire un sens absolu, qu'elle a mené tout de même dans sa vie, qui passe à travers ses personnages, certains de ses personnages cinématographiques, et qui est quand même, bon, le fait qu'elle ne l'ait pas atteint, c'est le grand regret de sa vie, mais elle continue de vivre quand même. Bon, quelque part, ça éveille en moi, bon, je peux le dire, un processus d'identification. C'est-à-dire que, bon... Ava Gardner, c'est vrai que c'est une femme où quelque part on dit, après tout, c'est peut-être un peu prétentieux ce que je vais dire là, mais je crois que nous tous qui l'avons aimée, bon, adorée, on peut dire, quelque part on peut se dire en tant qu'homme, si elle m'avait rencontrée, peut-être je l'aurais sûrement rendue heureuse. Bon, ça c'est bon, je vois. Et en même temps, certaines dispositions que j'ai moi, depuis longtemps, à rêver sur des choses un petit peu impossibles, qui dépassent la vie. En même temps, je me dis, au fond, je suis peut-être un peu quelqu'un comme elle, à qui la vie n'a pas apporté tout ce qu'il aurait rêvé. Si vous voulez, quelque part, je la ressens, elle, femme, avec tout ce qu'elle a, comme quelque chose qui serait moi quelque part, mais qui ne se serait pas réalisé. Bon, alors ça, je crois que c'est une des choses les plus merveilleuses que pouvait nous donner le cinéma. Je dis pouvait parce que le cinéma d'aujourd'hui ne nous le donne plus. Et des actrices et des femmes aussi exceptionnelles que celles-là, c'était qu'en plus, à la fois on rêvait sur elles et on rêvait sur nous. ...1968, Meyerling de Terence Young. 1969, The Devil's Widow de Mack DeWalt. 1974, Tremblement de terre de Robson. 1975, Permission to Kill de Frankel. 1976, The Bluebird de Cukor. Le pont de Cassandre de Kosmatos. 1978, Cité en feu de Rakoff. Et encore récemment, Regina de Jean-Yves Pratt. Ou une série de télévision, Anno Domini de Stuart Cooper, série à gros budget. Actrice qui ne veut plus que gagner sa vie normalement. Je ne sais pas si, en fin de compte, nous avons percé le mystère d'Ava Gardner. Et je me demande même s'il est possible de le percer dans la mesure où il est le mystère d'une personne vivante, d'une âme vivante. Et je dis bien le mot d'âme car il est frappant, encore une fois, de constater comme tous ceux qui ont été habités par son image, en même temps bien entendu qu'ils étaient fascinés par sa beauté, ont toujours cru déceler comme le frémissement d'une âme à travers son regard. Mais peut-être... est-il bon, justement, que ce mystère ait été effleuré, qu'il n'ait pas été résolu, et, je dirais, qu'il reste définitivement, et pour chacun d'entre nous, un mystère sur lequel nous pouvons continuer à rêver. Il paraît que je suis à la fois le taureau, le matador et la spectatrice. J'ai vu mon destin se dénouer, mon châtiment prendre fin. Si j'étais prête à donner ma vie. Oui. Mais je t'aimais trop pour la prendre. Et tu m'as poussé à te haïr. Et presque réussi. Ce soir, tu es venu, sachant que tu allais mourir. Oui. Tu es heureuse quand même? Très heureuse. Tu n'as pas peur de mourir? Je n'ai pas peur. Tu m'as dit que tu aimerais l'entendre. Je voulais le dire depuis que je t'ai vu. Je t'aime. Les mardis du cinéma. Ava Gardner ou Le mythe de l'amour fou par Michel Cazenave. Avec Gilbert Guez et Jacques Siclier, critique de cinéma. Texte lu par Claude Berman, Frédéric Cantrel, Dominique Cagnard, Christine Melser. Mixage, Daniel Bizien. Réalisation, Christine Berlamont. Pour une analyse de certains des grands rôles d'Ava Gardner, on peut se reporter au livre de Jacques Siclier, Le mythe de la femme dans le cinéma américain, paru aux éditions du Cerf. C'était Ava Gardner ou Le mythe de l'amour fou, un mardi du cinéma de Michel Cazenave, avec les critiques de cinéma Gilbert Guez et Jacques Siclier. Première diffusion le 29 octobre 1985 sur France Culture. Réalisation Christine Berlamont. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.